Document 2, page 74. C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît. Ah, ils sont bons, mes melons ! Vous en avez pris un hier, je vous reconnais. Oui, c'est vrai, ils sont excellents. Et avec ça ? Mettez-moi 1 kilo de courgettes. Voilà. J'en ai 1 kilo 100, ça va ? Ça va. Ensuite ? Donnez-moi 2 paquets de café, 1 boîte de petits pois et du sel. Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose ? Oui, je vais prendre 3 tranches de jambon. Très bien. Alors, regardez, elles sont très fines. J'en mets 4 ? Oui, mettez-en 5. D'accord. C'est tout ? Oui, c'est tout. Alors, 1 melon, 1,60 €. Les courgettes, 1,80 €. Le café, j'en ai mis 2 paquets, donc 3,70 €. Les petits pois, il y en a 1 boîte, ça fait 1,90 €. Le sel, 55 centimes. Et le jambon, 5,30 €. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14 € et 85 centimes.